on me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchie, c'est vachement plus ordonné que nous. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, on va arriver! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Apprends-moi la main, petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprends nos traits, ne vont pas. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG, la radio de Johnny Hallyday tous les mercredis soirs. Bienvenue ici dans l'émission Johnny de A à Z, RIG 90.7 et aussi sur le internet rigfm.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour une émission live. Qui dit premier mercredi du mois dit émission live dans l'émission Johnny de A à Z. Et évidemment, si on ne m'avait pas soufflé le thème de la soirée, mais peut-être que je ne l'aurais pas fait, ou sinon je l'aurais fait peut-être une fois suivante. Mais merci à l'auditeur, la salutaire qui m'a parlé de faire une émission sur le Lorada Tour. Oui, ce soir je vous proposais donc d'écouter de ce fantastique Lorada Tour avec des morceaux de la tournée. Donc Lorada Tour 95 et Lorada Tour 96. En 1995, Johnny revient à Bercy pour une série de concerts du 12 septembre jusqu'au 1er octobre avec une avant-première le 11 septembre pour le fan club. Voilà. Cette édition 1995 a décidément incroyablement marqué les esprits, sans doute grâce à cette ambiance particulière. La salle et la scène sont baignées d'une lumière dorée. Et pour que le public s'intègre au spectacle, une avancée en 2001 intègre 1000 spectateurs au plus près de la scène. Johnny s'y promena, sauta, exulta sous cet anneau et créa la fameuse séquence Unplug, guitare acoustique à la main, débardeur grand ouvert sur son dernier tatouage où il reprit de nombreux hits qu'il a aimés. Cette séquence Unplug est le vrai must de ce spectacle, un moment que tout le monde attend. Ce Bercy fut un triomphe et la tournée également. Le décor sera ajusté dans les salles de province de Suisse et de Belgique du 11 octobre au 5 décembre. Des problèmes de santé viendront bouleverser le planning. Johnny, à Caen, le 14 novembre, fut terrassé par une violente douleur au dos, une hernie discale nécessitant à opérer Johnny dans les prochains mois et à ajourner 4 spectacles. Après cette opération, début février, Johnny relança l'Odorada Tour le 14 mars à Rouen jusqu'au 11 avril à Dijon. Tournée d'été Lorada Tour du 12 juillet au Francofolies jusqu'au 25 août à Monaco. On retrouvait Johnny avec son nouveau look, mince, bronzé, cheveux longs et portant un costume 3 pièces zébré. Et la tournée fut également une tournée triomphale. Et avec aussi à la clé les musiciens, nous avions Robin Mesurier, Sean Fontaine, Jim Prime, Ian Wallace, Phil Sisson. Je crois peut-être que j'en oublie un, mais vous me le direz. On va commencer tout de suite avec Johnny Hallyday et ce fameux Lorada Tour. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve en cours d'émission pour parler de telle ou telle date. Ce qui se passe à ce moment-là, il y a plein de surprises tout au long de cette émission Johnny Hallyday et le Lorada Tour. esprit, ton amour étrange, ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains, je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus souffler sous tes grilles. Celui qui veut ma place. Mise en échelle sans faire le jour, c'était ma peine forcée de l'amour. J'ai refusé pour une émotionnelle. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu comprends le jour et la nuit. Je veux t'approcher, tu tournes le dos, tu t'enfuis. Je mets pour ce spectacle Gabriel en premier, comme ça après j'en serai débarrassé. Premier titre qui met bien la pêche dans ce concert. Deuxième titre de ce spectacle, Lorada, voici Lady Lucille. Cette fois-ci nous sommes à Marseille, le 6 novembre 1995. J'attendais pas. Forcément, ça qui s'écoule. Voici tout, voici parti, les oubliés, les bonheurs de la première. Dans cette question, on attend le, j'aurais dû mieux les apprendre. Votre temps, le temps pour le verre. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je suis infidèle, je n'ai jamais aimé que toi. Est-ce que c'est trop? Est-ce que tu me fuis? Est-ce que tu sais les mots que je t'ai donnés? Entre la peur et la scène, c'est le moment pour que tu viennes. J'attends encore de toi pour qu'on s'aide. Lucille, on faut qu'il te la fasse. Tomber sur moi, la lumière. Rock and roll. sûr, je compte sur toi. Mais les océans, fais qu'ils comptent avec moi. Très heureux d'être ici ce soir à Versailles avec vous. Et j'ai l'immense sensation que ce soir, ça va être très chaud. Lors de son mandat tour, donc, on va mélanger les sessions de la tournée d'été, la tournée d'hiver, la tournée d'automne, le Bercy. Et là, on se retrouve carrément directement au Francopholis, le 12 juillet 1996. Qui avait changé à quelque peu un peu la playlist de ce concert. Et il y aura plein de surprises encore tout au long de cette émission. Plein de titres qu'il a rajoutés par-ci et par-là au fur et à mesure de la tournée. On le retrouve toujours à La Rochelle, au Francopholis, 12 juillet 96. 5h40, elle va prendre son train. Et moi, je rentre. Thank you. journée, ouais, toujours à l'heure. Moi, la lumière me fait peur. Elle a cette assurance, oui, inaccessible, de ce temps de la chance de naissance. Pour la regarder, ouais. À la voir, on devine des enfants coiffés, un homme, l'odeur du café. On imagine avant de plonger celle que je n'aurai jamais. Ouais, je me sens misérable à l'île fumée de mes nuits. Oh, moi je suis né coupable, oui, coupable. Sans mon état interdit. Prendre son train et moi prendre. Elle va prendre son train. Et moi, je rentre. On va du côté maintenant de Saint-Brieuc. C'était le 4 avril 1996. Et la reprise de Rod Stewart, Hard Legs. Vous écoutez RIG, la radio de... La radio de Johnny, qui est Johnny de A à Z, tous les mercredis, de 22h jusqu'à minuit. I know you'll be lying. I can see it in your smile. It's like a drug now. You're addicted to the blues. Always getting high. I say time will heal. Well, I know from the way I feel, the way I feel. Empty souls and broken hearts, we don't choose. Well, I'm still a fool for the blues. Aidé à Marseille le 6, le, oui, c'était le 6 décembre 1995. Non, c'était pas ça du tout. Le 6 novembre 1995. Ah, Johnny, on le retrouve là cette fois-ci à Nîmes, le 29 novembre 1995. Et le titre, oh ma jolie Sarah. J'espère que vous passez une bonne soirée ici sur l'antenne de RIG. Ici ce soir, on écoute Johnny de A à Z en live spécial Laura Datour. Parce que ce n'est pas encore le moment de la partie Unplug. On va la retrouver juste après Chercher les anges de Bercy 95. J'ai attendu le monde, mais le monde est grand. En milliers de secondes, j'ai subi le temps. Mais comme une pierre usée qui roule, j'ai attendu l'été. Yeah. chercher, chercher, chercher les anges, chercher, chercher, chercher, chercher. Voilà, c'est une très bonne partie. On va passer au moment que beaucoup de personnes attendaient. C'est cette fameuse partie unplug acoustique. J'ai toujours très ému quand je chante à Marseille parce que j'ai. Je crois que quand je suis venu à Marseille la première fois, c'était mon deuxième spectacle sur scène. Et j'avais 16 ans. Et on m'a dit à Marseille, c'est le test. Alors, ou on t'aime ou on ne t'aime pas. Donc, je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez adopté quelque part. Et moi aussi, je vous aime en retour. C'est bien de vous parler. J'ai fait ce spectacle pour avoir une scène comme ça un petit peu devant, pour pouvoir communiquer un petit peu plus avec vous. Là, il me manque la lumière. J'aimerais un peu de lumière. Dans la salle. Je suis content parce que quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'être vraiment avec des amis intimes. Et il y en a quelques-uns dans la salle ce soir que j'aimerais saluer au passage. Job Salerbe, Routy, Marc François, enfin, plein de gens que j'aime, Robert Lenoir. Alors on va faire comme on fait des fois chez moi à la Lorada. Vous voulez venir chez moi à la Lorada? On va prendre quelques guitares comme ça, acoustiques. Et on va chanter quelques chansons qu'on n'a pas tellement l'habitude de chanter sur scène. Une chanson que j'ai pas chantée depuis longtemps, par exemple, qui commence comme ça. Alors, au début, j'ai chanté pour une fille en particulier que je choisissais dans la salle. En général, assez jolie. Alors, la plupart du temps, je trouvais qu'elle était ou fiancée ou mariée. Alors, je ne veux plus prendre du risque, alors je la chante pour toutes les filles qui se trouvent là. Toutes aussi jolies les unes que les autres. Après, ce que je peux voir d'ici. Alors bon, une chanson par exemple comme ça. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort. En secret, un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière brûlait là,

rock'n'roll en allant tout simplement voir un western. Le film s'appelait Loving You, qui est une chanson d'amour. Parfaitement. Et j'aimerais chanter ce soir cette chanson pour ma fiancée, Laetitia. C'est là ce soir. Elle est très timide, vous savez. Loving you, winter, summer, springtime too. Loving you, loving you, makes no difference where I go or what I do. You know that I will always be loving you, just you. If I'm sick with someone new, don't be blue, don't you be blue. I'll be faithful, I'll be true, always true. To you, there is only one for me, and you know, you know that I will always be loving en province, à Royan cette fois-ci. C'était en plein août, le 16 août 1996. Bienvenue ce soir avec nous dans cette Laura d'Atour. Je savais bien qu'avant de finir cette tournée, il fallait que je passe ici par Royan. Est-ce que vous passez de bonnes vacances ? Moi aussi. Moi aussi, grâce à vous. Vous savez que je connais très bien Royan parce que j'y ai fait un film ici. Et j'aime beaucoup Royan, c'est vrai. C'est notre centre chez moi ici, quoi. Alors, les chansons que nous avons eues chantées certains soirs, pas obligatoirement toujours sur scène les mêmes chansons. Si vous avez envie de les chanter avec nous, vous êtes les bienvenus. Je pense que vous allez vous rappeler de certaines paroles. Johnny changeait son répertoire, ça donnait ça, et c'était très très bon également. D'où l'importance de voir plusieurs shows tout au long d'une tournée. Attention, là nous sommes à Nancy. Nancy, le 21 novembre 1995, Johnny est quelque peu touché, éméché. Oui. Maintenant, vous allez me promettre un truc. Moi, je suis là pour vous. Autrement, très certainement, je ne serai pas là. Mais vous allez chanter avec moi, d'accord ? Je vais essayer de vous chanter des trucs que vous avez envie d'entendre. Des choses que, bon, hein, merde. Est-ce que je peux avoir un peu les gens qui sont dans la salle? Il faut dire qu'il souffrait d'une hernie discale. Je vous vois quand même, madame. Vous êtes capable de chanter avec moi? Oui! Une corde à chaque fois qu'il touche une guitare. Et ben moi, c'est la même chose. On va quitter Nancy pour retrouver La Rochelle le 6 décembre 1995. Tout le monde parle que ce concert a été annulé, mais non, pas du tout. Ce concert a été. A bien marché! Et c'était le dernier de la tournée d'hiver. Thank you. Allez, maintenant un petit tour du côté de Saint-Étienne. C'était le 24 novembre 1995, toujours la même période, pratiquement la même semaine. Hein. J'aime bien faire des choses pas tout à fait prévues comme ça. Encore un titre non prévu, non classique. Comment on fait du rock'n'roll ? Je vous le sens bien, 51 dans le rock'n'roll. Bon, d'abord, je vais demander. Vous savez que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce qu'on appelle un chapiteau. Et là, ce soir, nous faisons un chapiteau. Et j'aimerais vous voir, donc je vais demander qu'on mette de la lumière dans la salle, que je puisse vous voir en face de moi. She's good to me. Oh, where? fantastique unplug de cette tournée, Laura Datour. Allez, retour à Paris pour cette superbe version de Joue pas de rock'n'roll pour moi. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je sais plus dire que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenir. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Ce qu'un homme devait faire pour mériter ce nom. Mais le doute et la folie marchaient à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de le souvenir. Avec une voix qui grince comme un 45 tour usé. Chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je sais plus dire que tu le crois. Ne te sers pas de souvenirs. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Pas de rock'n'roll. Que je vais rester sourd pendant très longtemps, avec le sourire de la vengeance sur les lèvres, les bras croisés sur le cœur qui bat de tout son sang, les yeux tournés vers l'horizon d'où sortent les rêves. Tu hurleras tes mensonges dans le vent. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenir. Je ne pas de rock'n'roll pour moi. De retour dans la tournée d'été, où nous voici à Saint-Flour. C'était le 21 août 1996. La partie unplug prend fin avec ce fameux titre, La musique que j'aime. Et vous êtes toujours sur RIG, la radio de Julien Aidé, bien sûr, dans l'émission Jimmy de A à Z. Et ce soir, je vous propose une spéciale Laura Dern. Elle vient de là. J'ai même joie, j'ai pas, j'ai même peine. Et je fasse le mieux que je le sens tout bon que je l'aime. Et je le sentirai toujours. Il y a longtemps sur les guitares et ma mémoire de mes yeux pour chanter les pertes et les espoirs. Au sang de Dieu, il est là. De la musique que vivra, tant que le vivra. La lune, que ce mari, lorsque je t'aime, de l'enquête, j'ai une main entre les mains. Que pleurer, que ça se trouve. Oui, c'est ma prière pour regarder la musique que j'aime. tristesse, ça ne vient plus. Je le sens tout en moi, je l'aime. Et je le sens tout en moi, je l'aime. Il y a la tendance de la avec Fred Blondin qui faisait la première partie du spectacle de John Hallyday à Saint-Flour. C'était dans le Cantal. Oui, oui, c'est perdu. C'est entre Aurillac et Clermont-Ferrand. Nous sommes toujours à Saint-Flour. En gros, on entame la seconde partie de ce spectacle. Et par contre, ce qu'on se donne devenir de la soirée, hein, avec le pénitencier. Le contenu pénitencier. Bientôt, on se... Et c'est là que j'ai filé et ma vie comme d'autres gars l'ont fini. J'ai trouvé le rire. Saint-Flo pour aller à Saint-Étienne à présent et écoutez, Junaïdé avait le titre Le Feu. Ça va toujours? Mais nous, ça va bien. Ça va très, très bien. Vous profitez de cette soirée spéciale Laura Datour pour écouter Junaïdé aussi bien à Paris qu'en province, en Suisse ou en Belgique. Vous savez qu'on travaille avec, on travaille pour vous. On a travaillé sur ce spectacle depuis maintenant un an et on a élaboré ce spectacle. Tous les jours, on le change un peu pour essayer de ne jamais faire à peu près la même chose. Histoire que si jamais vous êtes dans une ville, vous venez voir dans une autre ville, qu'on essaye de changer un peu les choses. Mais il y a une chose qui est certaine, une chose qui ne change pas, ce sont les gens qui travaillent avec moi. Ceux qui sont, pour moi, les héros de cette tournée sont les techniciens qui montent et qui démontent le matériel avant et après chaque spectacle. Et qui sont là tous les jours. J'aimerais très sincèrement que tout le monde applaudisse très fort. Les amis, respectez quand même les techniciens. Mais alors pour moi maintenant, ce qui est très important, c'est que depuis un an, je ne suis plus Johnny Hallyday tout seul avec des musiciens, je suis Johnny Hallyday avec un groupe. Dans le groupe, nous avons à la guitare Robin Lemesurier. Phil Souffen. À l'harmonica, Christophe Dupont. Alors, le Jeep Fan. Au clavier, Jim Paul. À la batterie, Ian Wallace. Le voix coupé à du groupe, deuxième voix. Non, j'ai rien fait. On quitte Saint-Etienne pour revenir pendant l'été, l'été à Saint-Flour toujours. Et avant encore avec un titre que Johnny a rajouté à son répertoire. Il en a enlevé un et a rajouté celui-ci. Je veux te graver dans ma vie. C'est ça, le rodatour de Érigé de Johnny de Haze. depuis moins longtemps. Ça doit m'appeler ce Richard. Ah ça, on pourrait ne plus le dire aujourd'hui. Non, non, non, non, ça y est. Hein. On quitte Saint-Étienne pour partir sur Marseille. Et retrouver l'envie. Version intégrale, on va dire. Sans fausse note. On va jeter l'obscurité et la lumière. Comme ceux de la palace, ils appellent ça. On enlève ce qui est là et secondaire. Que je retrouve le rive, la vie en bas. Et qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime l'enflamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme un an pour que rien ne passe. On m'a donné bien avant. Pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Et pour que j'aime être ça, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier toujours. Variante aussi hein, qui n'existait que dans la tournée d'été de 1996 de Le Roi d'Atour, c'était aussi ce titre-là, Le Bon Temps du Rock'n'Roll. écoutez Johnny de A à Z sur RIG, bien entendu. Et ce soir, c'est une spéciale Laura Datour. On écoute aussi bien Johnny à Paris-Bercy, comme on peut écouter Johnny à Marseille, à La Rochelle, à Saint-Brieuc, à Nîmes, à Royan, à Saint-Flour, plein d'autres encore et plein d'autres encore. On le retrouve encore à La Rochelle le 6 décembre 1995. Évidemment, la qualité n'est pas toujours là. Évidemment, ce sont des bootlegs, des documents amateurs. On va entendre un Johnny exténué. Je zappe, évidemment, professionnel, oui, si on veut. On retrouve Johnny Hallyday à Paris-Bercy avec le titre de son album Laura Datour du moment. Ne m'oublie pas. Silence, ça ne dure que quelques secondes, et tu t'en vas dans ton monde. C'est un moment distance, ton regard en dissidence, et je vois passer une ombre quand tu me fuis, quand tu sombres. Thank you.

pas. Comment peut-on l'oublier, cet homme, ce chanteur, ce monstre de la chanson sacrée? Dernier tour du côté de La Rochelle en 1995. Johnny va faire un petit monologue juste avant d'interpréter la dernière chanson de ce spectacle. Vous êtes toujours sur RIG, bien entendu, dans l'émission Johnny de A à Z avec ce spécial Laura Datour, Paris tournée. L'amour. L'amour est la chose la plus importante de la vie. Quand on n'a plus d'amour, on n'est plus rien. Quand on a un peu d'espoir d'amour, on commence à revivre. Quand on commence à avoir de l'amour, la vie est rose. Mais quand on a l'amour, vraiment, c'est la vie en rose. C'est la vie extraordinaire que seulement un public peut donner à l'artiste ou une femme peut donner à l'homme. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux. Enfin, quoi? Je pense que j'ai une femme qui m'aime et je pense que j'ai des gens qui m'aiment. La femme que j'aime, elle se trouve là ce soir pour m'énerver. Elle s'appelle Lucie. Elle est timide, hein, mon vœu. J'aurais pas beaucoup de succès dans la salle. Et alors, s'il était timide, moi, ce serait. Mais je préfère avoir vos. Mais tout ça pour vous dire. Non, tout ça pour vous dire que. Bon, c'est vrai. On a pendant longtemps pensé à un Bercy. On a travaillé pour un Bercy, puis après, on a travaillé pour spectacle. On a essayé de reproduire pour la tournée la scène plus ou moins fidèle à Bercy, mais plus petite ou plus grande par rapport au salle. Donc on a essayé de faire quelque chose de fidèle à ça pour ne pas vous blouser. Avec moi, toujours là. Alors de temps en temps, j'ai essayé de le faire, puis bon. On s'est pas trop mal démerdé, non? Merci Jean-Claude Camus, comme producteur. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, on va recommencer en mars, et puis en juillet, et puis en août. Mais bon, quand on a dit que je partais en Amérique, je ne sais pas. Si! Je suis obligé de partir, j'ai acheté un bateau là. J'ai dû acheter un bateau là-bas, je suis obligé de partir là-bas. Mais je reviens en mars. Mais j'ai pas dit que j'allais vivre là-bas. J'ai dit simplement que je vais passer certaines vacances. De toute façon, je chanterai toujours de rock'n'roll pour vous, parce que vous êtes le meilleur public du monde. Mais vous êtes bien mieux. Vous savez, j'ai chanté déjà en Amérique, et j'ai vu d'autres groupes que j'adore, qui chantent pas les Américains. Vous êtes quand même le public le plus chaleureux. Vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que pour vous dire bonsoir ce soir, parce que c'est la dernière, il faut que vous chante cette chanson. Et la voici cette chanson, L'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Version Bercy 95. Pour terminer ce spectacle. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre y peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Et tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe, oui, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, j'oublierai brunes et blondes, oui, si tu me le demandais. Oui, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Oh, je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, moi je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Et si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, à ma porte, si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi, et nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Au piano, Monsieur Jim Fine. Dans ma vie, plus de problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Merci, je vous aime aussi. Bonsoir. Cette émission spéciale Laura Latour, Paris-Bercy et tournée au pluriel, tournée d'automne, tournée d'hiver, tournée d'été, oh, tournée de printemps aussi, on va me dire, tant qu'à faire. Merci encore aussi à Arouk d'avoir trouvé cette idée, de me l'avoir soumise. C'était une très bonne idée, on a passé, je pense, un agréable moment ensemble. On se retrouve prochainement pour le podcast de cette émission et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure sur Johnny. À bientôt, à toutes et à tous. Grosse bise les filles, grosse pognée les gars. À bientôt, ciao ciao.